À l'occasion du 24 décembre, les Coréens ont rendu hommage au président Kim Il-sung et au dirigeant Kim Jong-il. Devant leur statue en bronze sur la colline Mansu, se trouvait la corbeille de fleurs du dirigeant suprême du parti, de l'État et de l'armée Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. Les organisations du parti, des forces armées, du pouvoir, les organisations sociales, les ministères, les établissements centraux, les unités de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, et les établissements, entreprises, usines et écoles de tous les échelons de la ville de Pyongyang y ont déposé des corbeilles de fleurs. Les visiteurs se sont inclinés devant les statues en bronze. Par ailleurs, les militaires et civils ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant les statues en bronze et les portraits en sourire des grands hommes partout dans la ville de Pyongyang, comme à l'université Kim Il-sung, au ministère des Forces armées populaires et au centre de création artistique Mansudae et dans les provinces.